Douce nuit numéro 1. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre luit. Le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini. C'est l'amour infini. Saint enfant, doux agneau, qu'il est grand, qu'il est beau. Entendez résonner les pipeaux des bergers conduisant leurs troupeaux vers son humble berceau, vers son humble berceau. C'est vers nous qu'il accourt en un don sans retour. De ce monde ignorant de l'amour où commence aujourd'hui son séjour, qu'il soit roi pour toujours, qu'il soit roi pour toujours. Quel accueil pour un roi, point d'abri, point de toit. Dans sa crèche, il grelotte de froid. Ô pécheur, sans attendre la croix, Jésus souffre pour toi. Jésus souffre pour toi.